إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore avec le dars de l'explication du livre du Cheikh Abu Othman Ismail ibn Abdul Rahman As-Sabuni Aqidat al-Salaf وأصحاب الحديث. Bon, maintenant on a parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Kalam. On a expliqué que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va parler d'un autre sujet qui est Istiwa Allahi ala Arshi. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, il y a juste un point que j'aimerais mentionner au sujet de ce point-là qu'on a mentionné à propos de Al-Kalam et à propos de Al-Arsh et tout ça. C'est que les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ils ont attaqué ces points-là en particulier de Al-Aqida et de l'affirmation des attributs d'Allah. Alors qu'en réalité, leur parole est pire encore que ça. Pour lequel ils ont attaqué ces attributs-là, c'est uniquement parce qu'ils veulent ouvrir la porte au débat et à l'argumentation avec les musulmans pour leur jeter des shubuhat. Mais sinon, c'est pas seulement la question de Al-Kalam qui les intéresse, c'est pas seulement la question de Al-Istiwa qui les intéresse, mais en réalité, ils ont en fait envie de nier complètement les attributs au complet. Et comme on a dit à propos du Jahmiya, il nie non seulement les noms, mais les noms et les attributs, et en fait même de nier Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on voit à travers les arguments des imams d'Ahl-Sunnah lorsqu'ils refutent les gens de Bid'a, et il y en a même parmi les salafs qui disent ça. Il y a parmi eux des comme s'ils disent, mais pourquoi ils parlent du kalam? Et bien, le kalam c'est juste un prétexte pour débattre et argumenter pour arriver à jeter des choubouhats. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? C'est pire que ça encore. Mais ils n'osent pas le dire. Parce que s'ils le disent, les gens vont même plus les écouter. Hein? S'ils jettent depuis le début, qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans le cœur et au fond, derrière la tête, personne ne va même leur donner aucune importance. Mais ils utilisent ces choubouhats pour faire rentrer les gens dans leur bid'a. Et une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, eh bien c'est fini, ça rentre dans leur cœur et ils s'éloignent de plus en plus de la vérité. Donc le Cheikh Mohammed, Abu Othman As-Sabuni, il dit Istiwa Allahi ala Arshi, il dit Ya'taqidu ahlul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat ala arshihi kama nataqa bihi kitabuhu في قوله عز وجل في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وفي سورة السجدة ثم استوى على العرش وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة السجدة، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج به ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Donc le cheikh il dit que les gens du hadith croient et témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône, tel qu'il l'a dit dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah Yunus, certes votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône et il dirige toute l'affaire et il n'y a pas d'intercesseur excepté après sa permission. Ça c'est le verset 3 dans Surah Yunus. Après il mentionne le verset 2 dans Surah Ar-Ra'd qui dit Allah est celui qui a élevé les cieux sans, et qui le fait tenir sans aucun pilier que vous pouvez voir, hein, et puis il s'est élevé au-dessus du trône. Et dans Surah Furqan, le verset 59, qui dit « Puis il s'est élevé au-dessus du trône, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. » Ok. Et il dit également dans Surah Sajda, le verset 4, « Puis il s'est élevé au-dessus du trône. » Et il dit également dans Surah Sajda, « Et Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, en six jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. » Et il y a d'autres versets, il y a aussi le verset dans Surah Taha qui dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône, hein, au-dessus du trône. Donc ça c'est des versets clairs au sujet de l'istiwa qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, contrairement aux gens de bid'a qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, hein, ou bien qui disent qu'il est يعني partout, ou bien qu'ils disent, par exemple, parmi les Ahbash, par exemple, il y en a qui disent qu'il existe sans endroit, ou qu'il n'est pas dans un endroit, etc. Donc, il y a deux extrêmes parmi ces gens-là. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, et dans toutes choses, et ceux qui disent qu'il est nulle part. Hein? Donc, c'est deux extrêmes. Et ces deux paroles-là ont été mentionnées à propos, de la part des Jahmiyyah. Ces deux paroles-là sont attribuées également aux Jahmiyyah. Hein? Donc ça c'est des textes clairs qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Après il dit, le cheikh il mentionne d'autres versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, mais d'une façon, moins directe ou moins, sans mentionner Al-Arsh, d'accord. Comme par exemple le verset 10 dans Surah Fatir qui dit que c'est vers lui que la belle parole ou la bonne parole est élevée. Hein? إليه يصعد الكلم الطيب. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Également, le verset dans Surah Al-Sajda, le verset 5, qui dit qu'il dirige toute l'affaire à partir des cieux. Et puis, il l'élève vers lui. Ça prouve que s'il élève quelque chose vers lui, ça veut dire que, il est au-dessus. Après, il dit, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Ça, c'est un verset dans le Coran qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. C'est le verset 16 dans Surah Al-Mulk. Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité que celui qui est dans les cieux vous fasse avaler par la terre, hein, ou fasse que la terre vous avale ou vous engouffre? Donc ça c'est un verset qui mentionne clairement que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de sa création. Donc il y a ce point-là qui est mentionné dans ces versets, et donc tout ça c'est des preuves que Ahl al-Sunnah et al-Jama'a ont mentionné, hein, pour prouver leur aqidah au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est au-dessus de sa création. Après il dit wa akhbara Allah subhanahu an fir'aun al-la'in annahu qala li Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba إنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء إن في السماء إلها. Donc le cheikh il mentionne ensuite une autre preuve aussi que parfois on retrouve dans les livres des ulama qui montrent qu'il mentionne comme étant une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des paroles de Pharaon. Al-La'in, celui qui est maudit, lorsqu'il parle à son ministre ou à son second en ordre, hein, il lui dit, construis-moi une tour ou bien une échelle pour que je puisse monter, hein, aux limites des cieux et pour que je puisse rencontrer le Dieu de Moussa, hein, et je crois certes qu'il est un menteur. Donc ça c'est les exemples que Allah SWT a mentionné des paroles de Pharaon au sujet de comment il a traité de mensonge les paroles de Moussa, et la preuve que Pharaon a demandé à Haman de lui faire construire une tour ou une échelle pour aller, soi-disant, aller essayer de voir ou de rencontrer le Dieu de Moussa, ça prouve qu'il savait que Allah est dans les cieux, parce que c'est Moussa qui lui avait dit que Allah est dans les cieux. Donc, le Cheikh, ça c'est le verset 36 et 37 dans Surat Ghafir. Et le Cheikh il dit, il a entendu, hein, que Moussa a mentionné que son Seigneur est dans les cieux. Et donc c'est pour ça qu'il dit que, certes je crois que c'est un menteur, je crois que Moussa est un menteur, c'est-à-dire, je crois qu'il a menti sur le fait que lorsqu'il dit que son Seigneur, il y a dans les cieux, il y a un Dieu ou une divinité. Donc ça c'est une autre preuve que parfois qui sont utilisées pour prouver que Allah est au-dessus de sa création, et parfois vous entendez certains parmi les gens de Bid'a qui essaient de se moquer de cette preuve-là que les ulama ont mentionné, ils disent, regardez, ils essaient d'utiliser les paroles de Pharaon comme une preuve, hein, pour essayer d'affirmer cet attribut-là. Mais en fait, ils n'ont pas de raison de se moquer, puisque c'est une preuve claire dans ce sens-là que réellement, si il a prétendu qu'il voulait essayer de monter pour essayer de rencontrer le Dieu de Moussa, c'est clair que c'est parce que c'est Moussa qui lui avait informé, qui l'a informé qu'il y avait, ou que son Seigneur était dans les cieux, ou au-dessus de sa création. Quand on dit dans les cieux, ça peut vouloir dire deux choses, parce qu'il y a des gens qui disent dans les cieux, ils pensent qu'on parle des nuages. Dans la langue arabe, quand on dit as-sama, ça peut vouloir dire as-sama, c'est-à-dire al-ulu, parce qu'en arabe, tout ce qu'on dit comme étant sama, ça implique que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il fait descendre des cieux la pluie. Wa nazzalna minas sama'i ma'an. Et tout le monde sait très bien que la pluie ne tombe pas des cieux, mais tombe des nuages. Mais quand on dit des cieux, on implique que ça tombe d'en haut. Hein, parce que dans la langue arabe, as-sama, ça peut vouloir dire qu'est-ce qui est en haut, al-ulu. Ou bien, ça peut également vouloir dire les cieux tels qu'ils sont, c'est-à-dire le ciel. Et quand on dit fissama, des ma'na ala, hein, parce que des fois on utilise dans la langue arabe le mot fi ou l'article fi, mais avec la signification de ala. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran où on trouve des exemples de ça, comme par exemple, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, yadribuna fil ard. Ou bien, il ne dit pas ala, mais ça veut dire ala l'ard, hein, pas fil ard, c'est-à-dire, ya'lamu ma yalju fil ard, wa ma yakhruju minha. Ya'lamu ma yalju fil ard, wa ma yakhruju minha. Allah sait ce qui rentre dans la terre et ce qui en sort, wa ma yalju minas sama, ya'lamu ma yalju fil ard, wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama, wa ma ya'ruju fiha. Ok? Donc ça c'est des exemples, ou bien il y a plusieurs ayats comme ça où on voit qu'on utilise fi et que ça signifie ala. Donc quand on utilise, si on le dit dans le sens des cieux tels qu'ils sont créés, ça veut dire dans ce sens-là qu'il parle de ala, c'est-à-dire qu'il est au-dessus. Mais si on dit que c'est al-ulu, quand on parle de sama comme étant les hauteurs, dans ce sens-là, ça veut dire que Allah est au-dessus de sa création dans ce sens-là. Ça c'est pour répondre à ce sujet-là à propos de quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Après, il cite des citations des imams Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de Al-Ulu pour supporter et confirmer cet attribut-là. parce qu'on a mentionné les preuves du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas seulement le verset comme de l'histoire de Pharaon avec Haman, ça c'est une parmi les preuves, et les ulama les mentionnent comme on voit ici, ils le mentionnent en dernier, pour montrer que ça va dans le même sens que les autres textes et les autres preuves qu'on a mentionnées auparavant. Mais ce n'est pas la seule preuve, c'est pour ça qu'ils n'ont aucune raison de se moquer si on avait seulement ce verset-là, hein, mais non, c'est pas le cas, il y en a des dizaines et des dizaines de versets qui confirment ça, et sans parler des hadiths authentiques qui confirment cet attribut-là qu'il est au-dessus de sa création et au-dessus du trône. Ensuite, le Cheikh dit « Wa innama qala dhalika li'aun wa ulama'u l'umma wa a'yanu l'a'imma min as-salafi rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshihi wa arshuhu fawqa samawatihi » يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم وأثنى عليهم به. Donc le Cheikh dit que les ulama de la Umma et les plus grands parmi les imams de Ahl al-Sunnah, parmi les salaf, qu'Allah ait miséricorde sur eux, ils mettent sa miséricorde sur eux, ils n'ont jamais divergé sur le fait qu'Allah est au-dessus de son trône et que son trône est au-dessus des cieux, et ils affirment cela comme Allah se l'est affirmé pour lui-même, et il croit en cela, et il croit que Allah subhanahu wa ta'ala, et il croit en l'information que Allah a donnée à ce sujet-là à propos de lui-même, et donc ils attribuent à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même du fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et ils font passer les textes selon leur sens apparent, et en ce qui concerne la connaissance du commun des attributs, et bien ça, ils le remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas savoir le commun. Il y a un commun, mais on ne peut pas le connaître, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas dit, il ne nous en a pas parlé. Et parmi les gens de Bid'a, quand ils disent qu'on ne doit pas demander le commun, eux ils s'imaginent que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de commun, aucun commun. Hein, quand ils disent qu'il n'y a pas de commun, ça veut dire qu'il n'y a pas de description du tout, il n'y a pas de façon. Mais c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé au-dessus de son trône d'une façon qui lui convient, mais nous on ne le connaît pas de commun. Mais on sait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône et on l'affirme tel qu'il se l'est affirmé lui-même. D'accord? Donc, alhamdoulilah, à ce sujet-là, c'est clair, et il mentionne que les ulama, ils disent, nous y croyons. Tout ça vient de notre Seigneur. Donc, ça veut dire qu'ils affirment l'attribut et ils y croient. Hein? La signification de ça, c'est clair. Al-istiwa ma'loum, comme on va le lire tout à l'heure, dans les paroles qui ont été rapportées par l'imam Malik et d'autres parmi certains imams à ce sujet-là. Donc, ça, c'est clair. Donc on y croit et on l'affirme, mais le commun et tout ça, on le nie, et toutefois on ne fait pas de tashbih non plus, on ne dit pas que Allah s'élève au-dessus de son trône d'une façon qui est comparable aux créatures, parce que « laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir », il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il ne faut pas essayer de faire de ressemblance dans cet attribut-là et dans aucun autre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les gens du savoir, les ulama, qui disent cette parole, qui disent « nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur », et il les glorifie et il est satisfait d'eux, quand ils disent une chose pareille. Maintenant, il mentionne la parole qui a été attribuée à Salama, la célèbre citation qui dit par exemple… par exemple, في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, hein, il dit عن سلمة, في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. Cette citation-là, attribuée à Umm Salama, n'est pas authentique parce que ça n'a pas été rapporté authentiquement selon Umm Salama. D'accord? Toutefois, elle a été rapportée par l'imam Malik, hein, et cette citation-là, elle est authentique toutefois. Donc, alhamdulillah. Et ça a été aussi rapporté selon Rabi'atu al-Ra'i, hein, un autre des imams qui est en fait le cheikh de l'imam Malik. Donc, ça a été rapporté par d'autres imams. Toutefois, celle qui est le plus authentique, c'est celle qui a été rapportée par l'imam Malik. Elle a été rapportée par plus de 10 chaînes de narrateurs différentes, et même peut-être plus que ça. Donc, c'est une citation qui a été rapportée et qui est authentique à propos de la part de l'imam Malik. Et cette citation-là, le cheikh il l'a mentionné tout de suite après. Il dit « Haddathana Abu al-Hassan ibn Ishaq al-Madani, Haddathana Ahmad ibn al-Khadr » ابن الخضر أبو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا فأمر به أن يخرج من مجلسه. Donc l'imam Abu Usman il mentionne cette citation de l'imam Malik avec la chaîne et il dit qu'on a demandé à l'imam Malik au sujet du verset dans Surat Taha, le verset 5, Allah s'est élevé, Ar-Rahman, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Comment il s'est élevé? Quel fastawa? Donc, l'imam Malik a répondu, il a dit à l'istiwa, ghair majhoul. L'istiwa, c'est quand Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ce n'est pas ignoré. On sait la signification de cette parole. On connaît son sens dans la langue arabe, c'est clair. Wal kayf, ghair ma'qoul. Et le kayf, le comment, comment Allah s'est élevé, on ne sait pas. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec notre raison. Hein, ça nous dépasse. Wal iman bihi wajib. Et de croire en cet attribut-là, c'est obligatoire. C'est-à-dire, celui qui n'y croit pas, hein, il n'est pas mu'min. De demander le comment, c'est une bid'a. Tu demandes comment Allah s'est élevé au-dessus de son front. Tu n'as pas le droit de demander ça. Ni les sahaba, ni les tabi'in n'ont jamais posé cette question. Toi, tu viens et tu poses la question comment Allah s'est élevé. Et même si tu poses la question comment je pourrais te répondre, puisque personne ne le sait, et Allah ne nous l'a pas dit, et le prophète Mohammed ne nous l'a pas dit, alors on ne peut pas le savoir, et tu ne peux pas demander cette question, d'accord? Donc la raison pourquoi quelqu'un pose une question de ce genre, c'est parce qu'il veut faire la fitna. Soit qu'il veut faire la fitna, il veut jeter des choubouhats aux gens pour les faire penser à des choses qu'ils n'ont pas le droit de penser, ou bien soit vraiment, peut-être des fois il ne sait pas vraiment, il est ignorant, dans ce cas-là il demande, mais dans ce cas-là, l'imam Malik, il a senti que ce gars-là, il venait pour faire la fitna. C'est pour ça qu'il a dit, je vois que tu es une personne égarée, tu n'es qu'un égaré. Et il a ordonné qu'on le fasse sortir. Hein? Donc, il a senti que ce gars-là, il ne posait pas la question par ignorance, il veut vraiment faire la fitna. Hein? Il a remarqué probablement cette Shubha. Et à cette époque-là, c'est là que commençaient à sortir les Jahmiyyah. À cette période, commençaient à apparaître les Jahmiyyah. C'est pour ça que l'imam Malik savait que ce gars-là veut faire la fitna. Ok? Parce qu'il venait, ces gens-là, ils commençaient à jeter des Shubuhat comme ça et à essayer de poser des questions pièges aux ulama pour les faire tomber dans des Shubuhat et des fitna. Et donc, l'imam Malik a vu ça et il a tout de suite répondu de cette façon-là pour que ce soit clair et pour que les gens sachent. Donc, il faut mettre la réponse de l'imam Malik dans son contexte, du fait que le Jahmi a commencé à apparaître et les Shubuhat commençaient à apparaître dans les noms et les attributs d'Allah, et donc l'imam Malik répondait d'une façon pour fermer la porte à cette fitna et pour faire comprendre aux gens la position des salafs au sujet de ces attributs-là, et c'est pour ça qu'il a dit Istiwa, on la connaît dans la langue arabe, on sait que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire monter ou aller par-dessus quelque chose, comme c'est écrit dans le livre de l'imam al-Bukhari, si vous regardez dans l'imam al-Bukhari dans son livre, dans le chapitre de Al-I'tisam, si je ne me trompe pas, ou bien non, Kitab al-Tawhid, le chapitre qui dit وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا, il dit dans ce passage-là, il cite les paroles de Ibn Abbas et de Mujahid et de Abu al-Aliya et d'autres parmi les salaf, il dit, et eux ils ont dit que l'explication de Istiwa, ça veut dire quoi? Ça veut dire ala wartafa'a. C'est-à-dire ala, ça veut dire qu'il s'est élevé et il s'est monté. Al-tafa'a, ça veut dire qu'il est allé au-dessus. Hein, il est monté, il s'est élevé. C'est ça ce que ça veut dire dans la langue arabe, le mot istiwa. Et ça ne veut pas dire comme certains qui disent que ça veut dire al-istila ou al-haymana, hein, ou bien al-qahr ou des choses comme ça. Qu'il a pris dessus, ou qu'il a conquis, ou qu'il a, il a écrasé quelqu'un, il a pris le dessus sur l'autre. Pardon? Non, mais c'est là, comme ils disent, les Asha'ira et les Mu'tazila et les autres. Donc ça, c'est un tahrif, c'est une déformation du sens de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on n'a pas le droit de dire ça. Et le kayf, le comment, c'est ça qu'on n'a pas le droit de poser la question à ce sujet-là. Et on doit y croire. Donc ça, c'est une des citations les plus célèbres à ce sujet-là. Et c'est la citation d'un des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est l'imam Malik. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui se disent Malikiyah et qui prétendent qu'ils suivent l'imam Malik dans le fiqh. Et puis tu vois que dans l'Aqidah, ils ont une autre réponse que celle de l'imam Malik. Hein? Donc ça, c'est la contradiction. Et donc, tu dis à ces gens-là, oui, mais comment ça se fait que vous dites que vous êtes maliki? Et dans l'aqida, vous n'avez pas la même aqida que l'imam malik. Hein? Donc, s'ils prétendent ces gens-là qui disent, par exemple, nous on suit un madhab, on veut suivre l'imam malik, on veut suivre Shafi'i et tout, et puis ils disent que, on est tous, disons, on a tous la même aqida, comment ça se fait? Vous êtes Asha'ira, vous êtes Maturidiya, vous êtes ça, et vous dites qu'on est tous sur la même aqidah, vous avez tous des aqidahs différentes, ça, ça fait pas de sens. Tous les imams avaient la même aqidah et vous, vous n'avez pas la même aqidah que vos imams. Ça, c'est une contradiction. Donc, ça, c'est important de bien comprendre cette chose-là. Après, le cheikh, il dit, أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن مسلم الإسفرايني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلى الرحضاء وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرجه. Donc c'est encore la même citation que celle qu'on a mentionnée tout de suite. Sauf qu'il y a des petits détails qui ont été mentionnés, par exemple, le fait que quelqu'un est venu lui demander et que l'imam Malik a été en colère et que son front est devenu plein de sueur et qu'il est devenu rouge. Hein, donc il s'est mis en colère lorsqu'il a entendu cette question et il a rien dit sur le coup et tout le monde attendait pour savoir qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce que l'imam va dire à ce sujet. Et c'est là qu'il a répondu, qu'il a dit, le comment n'est pas connu. Mais l'istiwa, le mot istiwa, il n'est pas ignoré dans la langue arabe. Et d'y croire, c'est obligatoire. Et de poser la question à ce sujet-là, c'est une bid'a. Et je crains que tu sois parmi les égarés et il a ordonné qu'on le fasse sortir. Donc, c'est encore une fois, c'est la même, question. Et l'imam Abu Osman, il mentionne encore une autre citation. En fait, c'est la même encore une fois. Qui dit, je vais juste mentionner la citation encore une fois, qui dit, قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر نحو. Donc il répète encore la même citation encore avec une autre isnad, c'est pour montrer que la citation a été mentionnée par plusieurs chaînes de narrateurs. Ensuite il dit وسئل أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. Donc ici il y a une citation qu'on a demandé à Ali ibn Abu Ali al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali au sujet de al-Istiwa, du fait que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et on lui a demandé comment il s'est élevé au-dessus de son trône. Alors, il a répondu, Abu Ali, il a dit, moi je ne connais pas le règne, je ne connais pas l'invisible, et je ne sais que ce que Allah nous a révélé à ce sujet-là. Et il nous a dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, mais il ne nous a pas informé comment il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc c'est ça ce qu'il a répondu. Ensuite, il cite une autre narration qui dit « أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثنا قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبويا المروزي قال سمعت ابن الحسن علي بن الحسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله ابن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائما منذ خلقه لا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا وأشار إلى الأرض. Donc, ça c'est une citation qui est rapportée avec la chaîne de narrateur jusqu'à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qu'on a dit tout à l'heure qu'il était appelé Amir al-Mu'minin fil Hadith, un des plus grands savants de son époque, hein, et on lui a demandé, il a dit, en fait c'est un des ulama, Ali ibn al-Hassan ibn Shaqiq, il a dit qu'il a entendu Abdullah ibn al-Mubarak dire, nous connaissons, nous savons que notre Seigneur est au-dessus des sept cieux, et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône et qu'il est séparé de sa création. Ba'inan minhu khalquhu. Des fois il dit ba'inan minhu khalquhu et dans d'autres citations ba'inan min khalqihi. Il est séparé de sa création. Et il dit, et nous ne disons pas comme les Jahmiyyah qui disent qu'il est ici et il a pointé en pointant la terre. Nous ne disons pas qu'il est ici et il a pointé la terre. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de son trône. Et puis il y a des gens de Bid'a comme les Soufiyas qui disent par exemple Wahdatul Wujud, que tout est Allah et Allah est tout, et ils disent qu'Allah est dans toutes choses et partout, hein, dans les toilettes, dans les partout. A'udhu Billah, Astaghfirullah. Donc une fois j'ai discuté avec un Soufi à Montréal, une fois, et puis il discutait avec moi et puis il affirmait ces choses-là. Il disait oui, on croit que Allah est partout et tout, et tout. Là, je lui ai dit, est-ce que tu dis même dans le port? Et là, il n'a pas osé le dire. Il s'est retenu. Donc là, je lui ai dit, bon, tu vois, tu peux pas dire ça. Et donc, il s'est retenu. Ça, c'est pour ça, ces gens-là, ils sont prêts à aller loin. Mais quand tu leur donnes les preuves du Coran et de la Sunna, ils ne veulent pas les accepter. Maintenant, quand tu lui mets devant la parole, parce qu'il y en a des soufis qui sont allés jusqu'à le dire. Ils ont dit, il y en a parmi les soufis qui disaient, quand je fais mes rapports sexuels avec ma femme, c'est comme si je fais ça avec Allah. Astaghfirullah. Donc ça c'est des exemples, comment certains d'entre eux, ils s'imaginent que tellement ils pensent que Allah est tout, ils disent, quand je vois le monde, je ne vois rien excepté Allah. Hein? Et il y en a qui interprètent la ilaha illallah et qui disent que ça veut dire que rien n'existe excepté Allah. Ils disent que c'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Hein? Et il y en a parmi les gens qui sont bien connus aujourd'hui comme étant des gens qui font soi-disant da'wah, qui sont écoutés par beaucoup de monde, et ils ont ces idées-là. Et il y en a qui sont considérés comme étant des du'at, et qui prônaient ces croyances-là. Hein? Donc c'est des gens graves, yani, qui ont ces croyances-là et que les gens respectent, et que ce sont des croyances de kufr. hein, que les ulama ont déclaré comme étant des paroles et des croyances de kufr. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et de réfuter ces paroles-là et de se désavouer de ces croyances-là et de ceux qui les propagent et qui les défendent. Donc le chef il dit quoi ensuite? Il dit سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور okay. وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض الزمأ المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحته أو رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري. Donc le cheikh il mentionne ensuite une autre citation qui est mentionnée et qui est rapportée par l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, un des grands imams d'Ahl al-Sunnah et al-Jama'a, Cheikh al-Islam, et qui a écrit le livre Kitab al-Tawhid, qu'on connaît, hein, et il dit dans ce livre, ou bien je ne sais pas si c'est mentionné dans ce livre-là, mais en tout cas, ça a été rapporté qu'il a dit, celui qui n'affirme pas que Allah est au-dessus de son trône, et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, alors il est mécréant, il est kafir bi rabbihi, il a mécréant son Seigneur, et son sang est halal. On doit lui demander de se repentir, s'il ne se repent pas, duribat unuqu, c'est-à-dire il doit être tué, il doit être exécuté, c'est-à-dire selon la charia dans un état islamique par le dirigeant, hein, ou son représentant, pas par n'importe qui, là, comme on... Des fois, certains qui croient qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui, ça c'est pas la charia, c'est pas l'islam. Donc ça c'est juste hein, pour mentionner, parce que les ulama, vous voyez, ils mentionnent ces citations-là, ils mentionnent pas de détails. Ils mentionnent pas de détails parce que ils vivaient à l'époque où, hein, tout était appliqué, puis ces choses-là étaient connues. Mais à notre époque, il faut spécifier parce que les gens, ils comprennent n'importe quoi. Ils lisent quelque chose, ils vont sortir dans la rue, ils vont commencer à tuer les gens. Donc il faut spécifier que ces choses-là, c'est pas de cette façon-là que ça se passe, d'accord? Et donc, le chef il dit « وَأُلْقِيَ عَلَى بَعْدِ الْمَزَابِلِ » On doit le jeter dans quelques poubelles ou dans un dépotoir, comme les endroits où on met les déchets, on prend son corps, on le jette dans cet endroit-là, pour pas que les musulmans et les non-musulmans qui vivent parmi les musulmans en paix avec eux, soit gêné par la mauvaise odeur de son cadavre, et ses biens deviennent un fait, hein, pour les musulmans, c'est-à-dire ses biens deviennent ça va devenir la propriété des musulmans, on va le distribuer aux musulmans, et personne parmi les musulmans n'a le droit d'hériter de lui, parce que le musulman n'a pas le droit d'hériter d'un kafir. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith, le musulman n'hérite pas d'un kafir et le kafir n'hérite pas d'un musulman. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, hein, c'est rapporté par al-Bukhari et par Muslim et Ahmad et Tirmidhi et Ibn Majah et Ad-Darimi et Ibn al-Jarud. Donc ça c'est pour cette citation-là, c'est-à-dire c'est le hadith qui est rapporté par Bukhari, pas la citation au complet, vous comprenez, le hadith qui dit que le musulman n'hérite pas du kafir et le kafir n'hérite pas du musulman, ça c'est une citation qui est rapportée par al-Bukhari, ou un hadith qui est rapporté par al-Bukhari, non. Donc après il dit, Il reste combien de temps pour le Maghreb? 10 minutes? Même pas? Ok, d'accord. Donc on va s'arrêter ici, maintenant, puis on continuera ça, Inch'Allah, après le Maghreb ou demain? Demain? D'accord, Inch'Allah. وفيكم مباركة إن شاء الله نمكن وكنتم إن شاء الله دمنا بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وفيكم مباركة